Le service d'inauguration de la centrale hydroélectrique de la jeunesse numéro 3 d'Ore-Songang a eu lieu le 3 en présence des cadres intéressés, des bâtisseurs et des travailleurs de l'arrondissement de Trosan. La nouvelle centrale hydroélectrique permettra de consolider davantage les assises pour le développement économique et l'amélioration de la vie populaire de la province du Fangye du Nord.